Question 37. Le danger annoncé est situé à 150 mètres environ. Oui, réponse A. Non, réponse B. S'étend sur 400 mètres. Oui, réponse C. Non, réponse D.